ça vous dit d'aller boire un verre? Non, on écoute, vous êtes libre ce soir. Bonjour, bienvenue sur Vous êtes libre ce soir, donc toujours sur Radio Béton 93.6, la radio à la fréquence sur laquelle se brancher. Vous pouvez aussi nous retrouver sur internet, bien sûr, sur notre blog www.velcs.info, où vous retrouverez toutes nos émissions, etc. Alors, l'émission de cette semaine, eh ben, on va faire un commencement sympa et rigolo, et puis après on deviendra un peu sérieux. Oui. Alors, on va commencer avec l'actualité des jeux. Oh, pas forcément l'actualité, mais en tout cas, un truc qu'on a repéré, qui nous semble sympa. Alors, c'est un jeu qui existe déjà depuis un petit moment, mais dont on s'est amusé il n'y a pas longtemps, donc c'est le moment d'en parler. J'ai oublié le titre. C'est Frauds on Fire. En fait, il s'agit d'un jeu de rythme. C'est simple, vous avez de la musique que vous voyez apparaître sur une partition qui défile. C'est un petit peu comme si vous jouiez à la guitare en fait, où là il faut appuyer sur des cordes et d'un autre côté faire vibrer les cordes avec l'autre main, sauf que là la guitare est virtuelle. Ça reprend l'idée d'un jeu bien connu pour les consoles qui s'appelait Guitar Hero, pour lequel vous achetez déjà le CD et puis un périphérique spécialisé qui fait un petit peu comme un clavier avec diverses touches. Sauf que là, on va économiser un petit peu le matériel, c'est-à-dire en utilisant tout simplement un clavier. Voilà. En avaient peut-être un, si ça se trouve. Les gens critiques du libre diront « Ah, ils ont vraiment pas d'imagination, ils font que de reprendre des jeux qui existent déjà ». Mais pour se défendre, on va quand même dire que et grâce à ce jeu, grâce à ce logiciel, vous n'êtes pas obligé d'utiliser une PlayStation ou je ne sais quoi pour jouer, mais qu'on a la liberté d'utiliser une autre plateforme, mais ici par exemple un ordinateur PC, et plutôt que d'avoir un truc verrouillé, et puis ah bah vous avez un ordinateur, c'est bête, vous pourrez pas jouer, il va falloir repasser dans 2 ans, hein, repayer la version ordinateur. Ouais. Donc le concept, c'est assez bête et méchant, bon ça fait pas tellement intervenir le cerveau par les réflexes, c'est juste parce que je suis nul à ce jeu-là, vous inquiétez pas. Mais bon, il y en a peut-être qui se débrouillent sûrement mieux que moi. Donc comme Emmanuel aime pas, c'est un jeu assez pourri. Hein, voilà. Vraiment, ils n'ont pas fait d'efforts ceux qui l'ont créé. Mais bon, n'empêche, le jeu est de très bonne facture. Ça, il marche bien. Et d'ailleurs, avec ce jeu, vous avez déjà un certain nombre de pistes musicales. Vous pouvez aussi en ajouter d'autres. Il n'y a pas de souci. En tout cas, le principe, c'est simple. Vous prenez votre clavier en main, un peu comme vous prendriez une guitare. Vous avez 5 touches qui représente les cordes de la guitare, et vous appuyez sur la touche entrée pour battre le rythme. On va vous donner un petit avant-goût de ce jeu en passant un extrait du tutoriel où c'est un gentil professeur qui va vous montrer comment jouer à ce jeu. And hello everyone, my name is Jürgen Günther Schwarzenhafenstassen. And today, I will show you how to play this game. Check this shit. And now, pick up your keyboard like this. And when I shred, I use the whole keyboard. But since you suck, you will only need these 5 frets and the big button. However, the most important is the escape button. You will need it when you finally realize that you suck. Big time. To me, that is already obvious. Okay. Comme vous avez entendu grâce à ce gentil professeur de guitare, la touche la plus importante, c'est la touche échappe, pour quitter le jeu parce que vous vous en rendez compte que vous êtes trop nul. Et puis surtout, n'oubliez pas de vendre votre clavier sur eBay parce que là... Voilà, alors on va passer à un autre jeu où il n'y a pas de touche échappe. J'ai cherché la touche échappe. Malheureusement, c'est la réalité. Et c'est le jeu Lopsy 2. Alors, je sais pas si vous l'avez trouvé chez votre meilleur vendeur de jeux. Nous, on l'a trouvé sur Internet, le texte. Et alors, la Lopsy 2, donc, il n'y a pas que les libristes que ça embête. Il y a tout un tas de gens pour différentes raisons. Nous, on va se concentrer sur la partie Internet puisque c'est notre domaine. Sachant qu'en fait, la Lopsy est la loi d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure. C'est une loi qui date, je crois bien, du mois de décembre et qui concerne toute la sécurité intérieure. Ça va de l'expulsion des gens qui ne payent pas leur loyer à la pourchasse des immigrés sans papier, le fait d'empêcher les gens d'aider les immigrés. Donc, et aussi des aggravations de peine pour différents délits. Donc, c'est vraiment un fourre-tout. Chacun y voit des choses qui ne lui plaisent pas. Et entre autres, quelque chose qui n'a peut-être pas été traité beaucoup par les médias, c'est le volet Internet, concernant le filtrage d'Internet. Pour la première fois, on va pouvoir rejoindre les rangs de la Chine, de l'Iran et de la Birmanie. Voilà, bienvenue dans ce club très fermé. Alors, pour vous expliquer un peu ce que ça veut dire, filtrage du net, c'est en vérité assez simple. Ça veut dire, pour l'instant, un organisme n'est pas habilité à débrancher, entre guillemets, un site Internet d'Internet comme ça. L'idée qui est derrière la neutralité du net, c'est que L'idée qui est derrière la neutralité du net, c'est que le trafic qui passe à l'intérieur d'Internet, donc les données qui sont transportées, on n'a pas regardé ce qu'elles sont en tant qu'entité contrôleuse. On veut un Internet complètement décentralisé pour garantir justement qu'il n'y a pas de contrôle et que c'est chacun a le droit d'échanger ce qu'il veut. Et donc tout ce qui est filtrage du net, ça va à l'encontre puisqu'il s'agirait de pouvoir dire « Ah ben non, ce site-là, je le déconnecte sans façon. » Cas d'école, par exemple, de filtrage Internet, c'est la Chine, avec sa fameuse grande muraille virtuelle, qui sert à faire un intermédiaire entre l'Internet chinois, à l'intérieur du pays, et puis le monde hostile tout autour. Ce grand filtre sert à bloquer toute une série de sites. Dès que ça parle du Tibet, que ça parle de la place Tiananmen, que ça parle de démocratie, ou même des méchants dissidents qui osent réclamer la liberté en Chine, tout cela est passé au filtre de la censure. Et donc, faut pas s'étonner que, par exemple, on rencontre parfois des Chinois auxquels on parle des événements de Tiananmen et qui ne savent absolument rien de ce qui s'est passé pourtant dans la ville où ils ont vécu. Voilà, c'est un bel internet sans trace de certains sites plus ou moins encombrants. Alors bon, il faut quand même dire la vérité, hein. Ce qui est prévu pour l'instant, c'est que ça serve de rempart contre les sites pédophiles et autres illégalités assez monstrueuses, mais le problème, c'est que une fois la boîte ouverte, enfin l'habitude prise de censurer les sites qui nous plaisent pas, comment garantir que ça va rester sur ces sites-là? Sachant qu'il y a une liste de sites qui doit être donnée, mais que bien sûr, si on rend la liste de sites interdits publique, on fait de la bonne publicité pour ces sites, allez-y, la liste est publique. Si on cache la liste, eh ben on n'a aucune garantie que les sites filtrés sont bien des sites à caractère illégal et pornographique, puisque je crois que c'est les sites pédopornographiques simplement qui sont... Oui, justement, ce qui a été mis en avant par les promoteurs de cette loi, c'était la pédopornographie. Donc la pédophilie, c'est très mal. Tout le monde le reconnaît, à part les pédophiles. Et donc, la pédopornographie, c'est très mal aussi. C'est quelque chose de complètement illégal. Normalement, en France, statistiquement, chaque année, il y a quelques petits malins qui essaient de diffuser de la pédopornographie. Ils sont très vite attrapés par la gendarmerie, qui a une unité chargée de la cybercriminalité, qu'ils arrêtent chez eux. On n'en parle plus. La difficulté, bien sûr, c'est quand ces sites sont hébergés à l'étranger, où là, on ne peut pas faire débarquer la police, et il y a certains pays plus ou moins complaisants, enfin, qui ont des difficultés à regarder dans cette direction. Et donc la solution, Eureka, c'est de couper le lien entre le producteur et le consommateur. C'est un petit peu comme pour la vente de drogue. Si vous partez de l'hypothèse que les dealers et les consommateurs se rencontrent dans des quartiers malfamés, et ben simplement... on va barricader ces quartiers malfamés, interdire l'accès à tout le monde. Comme ça, il n'y aura plus de problème. On estimera qu'il n'y a plus de vente de drogue. Chut, chut. Leur donne pas d'idée, Manuel. Ils nous écoutent, tu le sais. En gros, essayez de couper le lien entre le fournisseur et le consommateur sur Internet, vu les moyens de contournement qu'il y a, c'est quasiment illusoire. Ouais, alors on peut aussi se dire à quand le filtrage des sites qui proposent du peer-to-peer, à quand tous les sites un petit peu illégaux. Enfin, ça rappellera peut-être à certains les histoires d'ADN, de prise d'ADN en cas de délit. Au début, c'était pour les viols ou les crimes sexuels ou quelque chose comme ça. Et maintenant, je crois que c'est largement élargi. On peut s'attendre au même élargissement dans le cadre du filtrage. Et d'ailleurs, Internet. Il y a pas mal d'effets de bord. On a vu ça par exemple en Australie où ils ont fait exactement la même chose. Et ils se sont rendu compte, quand la liste de sites a été fuitée, que seulement 32% des sites filtrés et contenait vraiment de la pédopornographie. Après, il y a pas mal d'effets de bord parce que ce qu'on filtre, c'est une adresse et derrière laquelle il peut y avoir pas mal de sites. Et puis, d'ailleurs, ce qui pourrait même arriver, parce que notre cher président a aussi des amis dans le monde de la musique qui n'aiment pas du tout l'échange illégal de musique et autres contenus, c'est qu'il leur a même parlé d'utiliser ce système de filtrage pour interdire le téléchargement illégal. Donc, donner la main, on prend le bras. Voilà. Exception sur ces belles paroles, on n'a pas fait de pause musicale. Enfin, on a passé un peu de Fred Sonfire, mais c'est bien tout. Et quand même, on voudrait garder notre réputation à vous faire entendre les plus belles musiques libres qui existent. Et on va donc terminer l'émission exceptionnellement sur une musique. S'appelle A-Dub de Dubamix. Comme le nom l'indique, c'est du dub. Voilà, mais c'est du dub classique. Enfin, écoutez par vous-même. Merci de nous avoir écoutés, au revoir. Après des années d'une propagande fallacieuse en faveur du loisir.